Chapitre 12e, le triomphe de Justine. Il était 11h15 quand Fouinard, admirablement déguisé en apache de choix, la casquette aplatie sur le crâne, les cheveux bien collés, la lèvre surmontée d'une moustache au croc vainqueur, posa sa main sur le loquet de la porte au puissant fond, et l'allure dégingandée, les mains dans les goussets et la canne droite, le bout en l'air, avec un dandinement, entra dans la salle du cabaret. D'un coup d'œil, il reconnut Michel qui, affalé sur une table, avec un litre à demi vide devant lui, avait l'air de somnoler. Une douzaine de clients étaient attablés, type parfait de souteneur, de casse-cou, de voleur, la soupègre. Au comptoir, un homme de carrure énorme, comme il convenait pour mettre au pas les clients trop encombrants. Fouinard, traînant les pieds, la cigarette pendant au bec, s'approcha du comptoir. « La limande n'est pas encore venue ? » demanda-t-il à mi-voix. « La limande, » fit le troquet. « Connais pas ça. » « Pas possible, un bon poteau qui m'a donné rendez-vous ici vers les minuit. »« Il n'est pas encore minuit, attendez-le. Qu'est-ce qu'il faut vous servir ? Une chopine de blanc. » Fouinard s'affala sur un banc, tira une boîte de sa poche, frotta une allumette sur sa cuisse et ralluma sa cigarette. Puis, très calme, il s'adossa au mur et jeta en l'air des filets de fumée. Les yeux à demi fermés, il examinait les faces ignobles. Bien vite, et quoiqu'il ne l'eût jamais vu, il reconnut Gustave Baladier. Nul mieux que Fouinard ne savait distinguer les ressemblances familiales alors qu'elles échappaient à beaucoup. Gustave avait les traits principaux de sa mère, le nez à arête aiguë, les yeux un peu gros et au regard terne. Et puis, une éraflure au front, toute fraîche, rappelait la chute que tout à l'heure il avait faite au Perreux. Les autres dévisageaient Fouinard sans vergogne, d'un air défiant. Ils n'aimaient pas les nouveaux visages. Est-ce qu'on sait jamais, avec cette sale rousse ? Mais c'était surtout Gustave qui l'observait avec attention. Tout à coup, Toto, qui avait son plan tout fait, n'entendait pas le moins du monde rester spectateur inactif des libations de ces honnêtes personnages, sembla s'apercevoir de la présence de Michel qui, dans son coin, paraissait dormir profondément. Il se leva, alla à lui et lui frappant l'épaule. Hé, la limande ! Je savais bien, moi, que tu ne ferais pas poser ton poteau. Et à voix basse, il lui dit : Dans un instant, tu m'appelleras tout haut de mon nom. Comme sans le vouloir. Oh, il reprit. Hé, le patron, une bouteille de blanc, du cacheté et du bon. On servit, et tous deux se mirent à causer. Tout à coup, Michel, comme emporté par la conversation, dit en tapant sur la table. Ah, ce sacré Fouinard, il n'en fait jamais d'autre. Veux-tu te taire donc ? Fit Fouinard à demi-voix, mais de façon à être parfaitement entendu des autres. T'as besoin de gueuler mon nom comme ça ? Au nom de Fouinard, Gustave Baladier, car c'était bien lui, avait sursauté. Il se concerta avec ses amis, puis se levant, il alla d'un pas très lent se planter devant Fouinard et le torse roulant sur ses reins. « Alors c'est vous qui êtes monsieur Fouinard ?» Fouinard leva la tête, le regarda. « Je suis ce que tu veux. Qu'est-ce que cela vous regarde ?»« Monsieur Toto, ça me regarde, et il me plaît de vous demander une seconde fois. Si vous êtes bien Fouinard, le mouchard ?»« Si vous voulez, » repartit Fouinard. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous croyez ? Ça n'empêche pas de vous en demander. De quel droit ? De celui que je prends. Voilà tout. Fouinard se leva, les mains derrière le dos, tenant Justine. Ah ! C'est une querelle que tu cherches, sale type. Ça se pourrait bien. Fais attention, tu n'en seras pas le bon marchand. Tu crois ? Fit Gustave en adressant un signe au copain. Ceux-ci se levèrent et d'un mouvement prompt allèrent se placer devant la porte, coupant la retraite à Fouinard. Lui ricanait, les regards d'enfer. « Oui, ris, sale mouchard, » grinça Gustave. « Ah, t'es venu te fourrer dans mes pattes, ça va te coûter cher. »« Pas plus cher qu'au Peureux, » dit Fouinard, « où tu as failli te casser le nez. »« Tu veux que je t'achève, pas vrai ?» Le patron crut devoir donner un avis paternel. « Ah, vous savez, pas de bruit surtout. Si vous vous mangez le nez, que ce soit la muette. »« Oh, pas peur, » fit Gustave. « On va dégringoler ce gabot-là à la douce. » Fouinard, la cigarette aux lèvres et toujours les mains à la Napoléon, s'était avancé comme par bravade au milieu du débit. Michel avait sa consigne, ne pas intervenir, à moins que Toto ne se caressât le nez. Maintenant, les apaches, sur un signe de Gustave, exécutèrent un mouvement tournant. La main dans la poche, sur le couteau ouvert, ils avaient rompu leur groupe et s'avançaient avec l'intention bien visible d'entourer l'ennemi. Plus un mot, plus une menace. La manœuvre était silencieuse et d'autant plus menaçante. « Et maintenant, mon petit mouchard ?» fit Gustave, qui se complaisait dans l'idée de la victoire certaine. « Tu vas nous dire ce que tu es venu faire ici. Ou bien on va te serrer. » Un nouveau signe, les couteaux sortaient des poches, mis au cran d'arrêt. Fouinard continuait à ricaner. Michel était séparé de lui par le cercle des Apaches, et l'eût-il voulu, ne pouvait guère lui porter secours. Très pâle, il attendait toujours le signal d'appel, rien. « Veux-tu parler ?» demanda encore Gustave. « Sinon, on te larde. Vous n'oseriez pas, monsieur Gustave Baladier. Ah, tu sais mon nom. Eh bien, tu ne le répéteras pas deux fois, hardis les camarades. Piquez-moi ce mouchard-là » Les hommes firent un pas en avant, mais il y eut un sifflement dans l'air, et Justine, balafrant des visages d'une couture sanguinolente, deux hommes tombèrent. Il y eut d'épouvantables jurons, et tous se ruèrent. Alors, on vit une chose stupéfiante. La badine en main, Fouinard, bondissant comme une bête fauve, frappait à tour de bras. De la pointe ou de la tige, il semblait qu'entre ses mains le jonc fût une massue de fer. Et c'étaient des cris de douleur. Les couteaux volaient des mains. Les fronts se marbraient. Les yeux sortaient de leurs orbites. La canne fantastique était partout, faisait face à tout, tournoyait partout, en un cinglement meurtrier qui faisait jaillir le sang. Et sous cette grêle de coups, à droite, à gauche, en avant, en arrière, alors qu'il semblait que ce frêle engin se multiplia, se décupla dans la main qui le maniait, voici que ces bandits, pris d'une peur folle, se ruaient vers la porte, dont les carreaux éclatèrent sous le choc. Ceux qui n'étaient pas à terre s'enfuirent, éperdus, fous de terreur. Mais comme par miracle, mais plutôt par la volonté précise de Fouinard, Gustave n'avait pas été touché. « Ah ! À nous deux » hurla-t-il, et tirant un revolver de la poche de derrière son pantalon, il le braqua sur Fouinard. Un tour de poignet, une coupure dans l'air, le revolver sauta de la main du misérable qui bondit en arrière, vers Michel, qui était toujours immobile. Fouinard se toucha le nez. Michel saisit Gustave par derrière et lui ramena les deux bras derrière le dos. L'homme se tordait, vociférant des injures ordurières. Mais Michel était un colosse de force. Fouinard sortit de sa poche des cordelettes qu'il passa au poignet du prisonnier. Puis il lui serra les chevilles de la même façon. « Étends-moi ça sur le dos, sur la table, » dit Fouinard à Michel. « Et s'il fait un mouvement, assomme-le d'un coup de poing. »« Ah ça !» dit le patron du puissant fond en s'avançant. « Vous n'allez pas saigner cet homme-là chez moi. Toi, mon petit père, tu vas me ficher la paix et m'obéir, sinon je cogne. » « Ah, je voudrais bien voir ça !» fit l'homme énorme en brandissant une mesure d'étain de 2 litres. Mais à peine avait-il esquissé le geste, quand 3 coups de badine, en plein visage, à l'estomac, puis au genou, il tombait abattu. « Non, non, ne tapez plus » dit-il en geignant. « Alors sois sage, relève-toi, Justine ne bougera plus. Va mettre tes volets, rentre, va te coucher et laisse-moi causer avec monsieur. » Il tira un billet de 100 francs de sa poche et le tendit au cabaretier, qui, les yeux écarquillés, se mit à saluer et allant vers la porte du fond. « Vous savez, en somme, faites de ce bougre-là ce qu'il vous plaira. » L'autre était toujours sur la table, pieds et poings liés, avec sur les épaules les mains puissantes de Michel qui l'empêchaient de bouger. « Écoutez, monsieur Gustave Baladier, » dit Fouinard, en se plaçant devant lui et en le regardant dans les yeux, « vous êtes à ma merci. Si vous répondez franchement, sincèrement à mes questions, vous aurez la vie sauve. Mais au premier mensonge, on vous étrangle. » Le fils Baladier était profondément lâche. Il l'avait prouvé d'ailleurs en lançant ses 10 compagnons contre un seul homme. Maintenant vaincu, dompté, il avait une peur horrible de mourir. « Est-ce vous qui avez assassiné Lucille, la femme du docteur Tozanne ?» Et le misérable cria « Non, non, je jure que ce n'est pas moi, c'est... Taisez-vous. Il est telle dénonciation qu'un fils ne fait pas. C'est vous qui avez volé chez le notaire la minute du testament du docteur ? Oui. » Et vous l'avez remise à la personne que je vous défends de nommer ? Oui. C'est à cause de ce testament que la jeune femme est morte ? Oui. Pour que le docteur prît une autre femme ? Vous avez su l'assassinat ? Je l'ai deviné. Savez-vous comment il a été commis ? Oh, cela non, je vous jure. Vous voyez bien que j'ai dit la vérité. Peut-être le poison ? Ne cherchez pas. Ce soir, vous allez voulu m'assassiner moi-même. Oh, vous pouvez répondre, je ne vous en veux pas. C'est vrai. « Sur l'ordre de... qui vous savez ?»« Oui. »« C'est bien. Vous avez la vie sauve. Il ne vous sera fait aucun mal. Vous allez me suivre. Si vous faites la moindre tentative pour m'échapper, je vous tue comme un chien que vous ne valez pas. Si au contraire vous m'obéissez, dans 2 jours, je vous remettrai de l'argent. Et vous partirez pour l'Amérique du Sud, Vous irez chercher fortune où vous voudrez. On vous donnera les moyens de vous tirer d'affaire. Acceptez-vous ce pacte ? J'accepte, mais vous jurez que vous ne me tuerez pas. Imbécile et lâche ! Fifouina, Michel, mets ça debout. Le misérable fut d'un tour de main replacé sur ses pieds, mais il chancelait, presque incapable de se tenir debout, tant il avait peur. Il va falloir le porter, dit Fouina. Monter mes 5 étages, c'est trop dur. Ou le fourrer en attendant. Mais chez moi, dit Michel, je suis un rez-de-chaussée rue Château-Landon, et bien tranquille, c'est une ancienne remise. Tu entends, bandit ? Reprit Fouina. Si tu cherches à t'échapper, tu es un homme mort. Non, non, je vous promets, je vous jure, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais vous tiendrez votre promesse. Tu as ma parole. Michel, emporte ça. Fouina ouvrit la porte du cabaret. Michel, ayant délié les jambes du bandit, mais en lui laissant les mains liées, le prit sous le bras, à l'aisselle, et l'emmena. Fouina resta un instant sur le seuil, élevant sa canne à la hauteur de ses yeux. « Petite Justine, tu es bien gentille. Tu es une bonne et brave canne. Si tu savais ce que je te gobe, t'es contente, tu rigoles, moi aussi. Allons-nous-en. » Et l'un portant l'autre, ils filèrent sur Paris.